Donc merci pour l'invitation d'abord. On est très contents de venir parler du livre. Et du coup, nous aussi, hein, le départ de ce livre, c'est on s'est aussi attaqué à une formule. Je ne sais pas si ça marche, si le concept de formule fonctionne avec l'expression crise de l'université, mais et on a commencé également par une analyse un peu lexicale, alors qui est beaucoup moins poussée que ce qui a été présenté par ma collègue tout à l'heure, mais on est parti donc de l'expression crise de l'université, on a pris les archives du Monde disponibles depuis 1944 et on a regardé rapidement depuis quand, alors depuis 1944 cette notion apparaissait et à quel moment est-ce qu'on pouvait l'identifier. Et on a été surpris de constater que crise de l'université ou crise universitaire était une expression qui était relativement ancienne. On en trouve des traces depuis les années 50, et notamment donc 103 occurrences de crise de l'université et 115 de crise universitaire. Donc voilà, on est parti un petit peu de là-dessus, entre autres, et on a voulu donc s'attaquer un peu à la question de la crise, et notamment on a voulu un peu la déconstruire parce que, selon nous, elle posait trois sortes de problèmes. Premier problème de cette notion de crise de l'université, c'est qu'elle le semblait non pertinente et non heuristique, en fait, pour comprendre la situation actuelle, du moins, mais passée également, de l'université. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est une expression qui a été employée régulièrement depuis les années 60. Donc déjà, effectivement, ça semble difficile de pouvoir la convoquer pour identifier une situation particulière de l'université à l'heure actuelle, puisque l'université semble avoir toujours été en crise. Également, on remarque que cette notion, cette expression de crise de l'université, elle recouvre des mots très divers, des situations très diverses. Donc, on parle de crise de l'université, notamment lorsque on a affaire à des désordres universitaires qui sont liés à des réformes. Donc on va avoir des mobilisations soit de personnel, d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, soit d'étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que crise de l'université arrive avant 1968, même si on a un pic, effectivement, en 1968. Mais on a des références bien avant et bien après. Donc soit des désordres universitaires, la crise de l'université, c'est aussi quand il y a une augmentation massive des effectifs. Donc c'est l'université est en crise dans les années 60, l'université est en crise également dans les années 80, avec donc les deux massifications scolaires. Et puis la crise de l'université, c'est aussi quand il n'y a plus d'effectifs à l'université. Donc l'université est aussi en crise dans les années 2000, lorsque les effectifs n'augmentent plus, mais ralentissent. Voire baisse. Donc voilà, donc ça nous semble effectivement une expression peu pertinente pour analyser la situation de l'université. Deuxième problème par rapport à cette expression de crise de l'université, c'est que cette expression, elle nous semble assez néfaste, en fait, pour caractériser la situation de l'université et décrire l'université, puisque quand on s'aperçoit que on a un discours de la crise qui n'est ni épisodique ni conjoncturel, en fait, eh bien, on a le sentiment, lorsqu'on parle de la crise de l'université, qu'on a un mal qui est proprement chronique et structurel, qui est quasiment congénital, c'est-à-dire que l'université, elle est forcément en crise, et on a le sentiment d'une situation presque incurable par rapport à ça. Aussi, autre élément qui va avec ça, c'est que, eh bien, quand on dit crise de l'université, c'est qu'on fait peser sur l'institution, sur ses personnels et puis sur ses étudiants les raisons des difficultés ou des dysfonctionnements que l'université peut connaître. Donc ça veut dire crise de l'université, ça vient de l'intérieur, c'est que c'est un modèle qui n'est pas viable. Ça veut dire aussi que les enseignants, ils sont un petit peu déconnectés, ils sont dans leur tour d'ivoire et ils ne sont plus du tout ajustés aux attendus de la modernité. Et puis, crise de l'université, c'est aussi l'idée que les étudiants ne sont plus ce qu'ils étaient et ils sont décidément toujours plus faibles à l'université. Ça, c'est donc le deuxième problème. Hein. Cette expression crise de l'université, elle est néfaste pour cela. Et puis, troisième effet pervers, on pourrait dire, de la crise de l'université ou de ce discours de la crise de l'université, c'est que, eh bien, il donne le sentiment de l'urgence de remédier donc à une situation quasi mortifère, et donc il va servir d'outil et d'instrument de politique publique, et il va justifier notamment un certain nombre de réformes pensées sur le court terme, réformes qui sont opérées à l'emporte-pièce, parce qu'on est dans une situation où il faut faire quelque chose de manière urgente, parce que c'est presque la fin de l'université. Donc voilà, donc c'est ça qui fait que ces trois éléments qui font que on s'est un peu attaqué à la question de la crise de l'université. C'est pour ça qu'on dit que l'université n'est pas en crise, même si elle a des difficultés à l'heure actuelle. Mais justement, l'idée de dire qu'elle n'est pas en crise, c'est que si dysfonctionnement il y a, les raisons ne sont pas à chercher à l'intérieur du modèle universitaire, mais plutôt à voir les conditions dans lesquelles on met ce modèle et le sort qu'on lui réserve. Donc ça, c'est le premier élément qui est au principe donc, de cet ouvrage. Et à partir de là, donc, on a voulu un petit peu revenir sur les discours qui avaient pu être opérés sur l'université, et notamment un certain nombre de maladies, de maux qu'on trouve et qu'on diagnostique régulièrement en fait à l'université. Et dans ces analyses-là, alors ces analyses, elles s'appuient notamment sur des débats parlementaires au Sénat, à l'Assemblée nationale, et puis sur effectivement des sources médiatiques pour voir un petit peu en quels termes on parle de l'université, en quels termes on analyse sa condition et sa situation. Et il y a en gros trois mots récurrents qui ressortent régulièrement par rapport à l'université, qui sont pointés à chaque période, depuis les années 60. Là aussi, on n'est pas allé plus loin, mais ça pourrait être intéressant de remonter plus loin. Premier élément donc, qui est donné par rapport à l'université, c'est l'idée selon laquelle l'université serait la voiture balai de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est régulièrement dit sur l'université, qui n'est pas quelque chose de contemporain, mais quelque chose dont on retrouve les traces depuis au moins donc les années 60. Qu'est-ce que ça veut dire, voiture balai de l'enseignement supérieur? C'est qu'en gros, comme c'est la seule institution qui n'est pas sélective dans l'enseignement supérieur, eh bien, elle serait amenée, d'après ses commentaires, à accueillir tous les étudiants que les autres formations de l'enseignement supérieur ne veulent pas, ne sélectionnent pas. En gros, elle récupère le surplus et par conséquent, les étudiants les plus faibles. Ça, c'est le premier élément. Deuxième idée qui est régulièrement mobilisée pour décrire l'université, c'est donc l'idée que l'université serait une usine à chômeurs, et donc que forcément les étudiants qui y viennent et qui en sortent diplômés ne trouveraient pas de travail à l'issue de cette formation. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et enfin, troisième élément, là aussi, qui est constant depuis les années 60, eh bien, c'est le taux d'abandon en fait massif en premier cycle, qui est constamment mobilisé pour décrire la situation de l'université. Et effectivement, l'université serait un lieu de perdition et d'échec. Ce qui est intéressant dans ces trois constats qui sont opérés sur l'université, c'est qu'ils font l'objet en fait d'un large consensus. Lorsqu'on s'intéresse au débat parlementaire autour des réformes, eh bien, on voit qu'en fait, la classe politique, elle est relativement d'accord sur ces constats, et qu'au moment où il faut traiter de la situation de l'université, souvent, eh bien, on évoque parfois les chiffres de l'abandon, les chiffres de l'insertion, et parfois on n'évoque pas ces chiffres-là, mais un consensus s'établit pour dire on connaît le diagnostic, ce n'est pas la peine d'y revenir, tout le monde s'accorde sur les chiffres et sur la situation dramatique de l'université, et c'est sur cette base-là donc, que les débats s'opèrent. Donc on voit vraiment que on a toute une mythologie en fait qui entoure les réformes depuis au moins les années 60 autour de l'université. Et autre élément aussi qui est relativement constant là aussi depuis les années 60, c'est les trois solutions à apporter à ces trois maladies de l'université, donc qui là aussi sont tout à fait constants. Donc problème, on a une université qui est voiture balai de l'enseignement supérieur, on récupère ceux que les autres institutions ne veulent pas, et bien qu'à cela ne tienne, il n'y a qu'à introduire la sélection à l'université. Là, la réponse est toujours la même aussi, depuis les années 60. Deuxième élément, on a une université qui est déconnectée du marché du travail, qui ne permet pas d'insérer suffisamment bien ses diplômés. Eh bien, il faut la professionnaliser. Là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien dans les discours et qui est extrêmement présent dans l'ensemble des réformes qui sont opérées depuis les années 60. Et troisième élément, l'université est un lieu donc de perdition où les étudiants abandonnent massivement. Eh bien, pour ça, on a le projet régulier de secondariser les premiers cycles, de propédeutiser les premiers cycles, hein, c'est-à-dire de faire en sorte que l'articulation soit plus claire avec l'enseignement secondaire, un meilleur encadrement, des enseignants qui seraient peut-être moins chercheurs qu'enseignants, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement constant. Et donc, nous, face à ces trois constats, eh bien, on était un peu contrariés parce que face aux enquêtes que nous, on a pu faire, alors à la base, on n'est pas spécialiste forcément de l'université, hein, mais moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur les sections de techniciens supérieurs, donc qui conduisent au BTS, et Romuald a travaillé plutôt sur les écoles du travail social. Donc bon, on aborde l'enseignement supérieur dans nos travaux de recherche par des angles morts, on pourrait dire, ou par les marges, et ça nous a amené à travailler sur l'université après, puisqu'on a, opéré des enquêtes plus spécifiques et on a repris des chiffres également et des données sur l'université. Donc, ce qu'on remarquait, nous, dans le cadre de nos travaux respectifs, et puis en s'intéressant davantage aux chiffres qu'on a pu récupérer, eh bien, c'est que ces trois constats, en fait, ils ne fonctionnent pas et ils sont relativement faux lorsqu'il s'agit de décrire la situation actuelle de l'université. Et donc, ce qu'on vous propose ici, là, c'est de revenir donc, sur ces trois constats et eh bien, de montrer en quoi on peut les déconstruire en s'appuyant donc, sur des données empiriques. Et je vais donc, dans un premier temps, m'atteler à la déconstruction de l'idée selon laquelle l'université serait la voiture-balai de l'enseignement supérieur. Cette idée reçue, en fait, elle repose sur l'idée qu'on pourrait couper ou diviser l'enseignement supérieur en deux, en fait. C'est une vision binaire de l'enseignement supérieur, en fait, qu'on mobilise régulièrement entre, d'une part, un enseignement supérieur non sélectif et un enseignement supérieur sélectif. Donc ça, c'est des choses qui sont mobilisées, hein, même dans le cadre de travaux de recherche en sociologie sur l'enseignement supérieur. On divise toujours l'ensemble en deux. On a les filières sélectives et on a les filières non sélectives. Et dans cette vision, hein, si l'on suit ce raisonnement, effectivement, comme l'université est la seule institution de l'enseignement supérieur à ne pas choisir ses étudiants, elle serait par conséquent amenée à prendre en charge et à y récupérer les plus faibles, et notamment donc les bacheliers technologiques et les bacheliers professionnels. Or, eh bien, on s'aperçoit que ce sale boulot, hein, qui est parfois clairement énoncé comme tel, le sale boulot de l'enseignement supérieur, il n'est pas assuré par l'université, en fait, mais il est davantage opéré par les sections de techniciens supérieurs, par les IUT, mais aussi par les écoles du travail social et aussi par les instituts de formation en soins infirmiers. Ce sont ces formations qui récupèrent ou accueillent plutôt, il faudrait dire, en plus forte proportion ceux qu'on peut appeler les minorités de l'enseignement supérieur, donc ces bacheliers professionnels, les bacheliers technologiques, et puis également les bacheliers d'origine populaire, hein, enfants d'ouvriers et d'employés, qui se retrouvent dans ces formations davantage en termes de proportion qu'à l'université. Donc ça, c'est une première chose, effectivement, de bien avoir ça en tête, et que l'université n'accueille pas massivement des bacheliers professionnels ou des bacheliers technologiques. Autre corollaire qui est souvent opéré à partir de cette vision binaire de l'enseignement supérieur, c'est aussi l'idée que comme l'université n'est pas triante, comme elle ne trie pas ses étudiants, eh bien, elle serait considérée comme non attrayante. Effectivement, pourquoi irait-on dans une filière non sélective ? Et c'est l'idée, donc, derrière ça, que eh bien, l'orientation à l'université serait le fait d'orientation par défaut, de désorientation, en fait, en gros, soit des étudiants qui n'ont pas réussi à aller ailleurs, soit des étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, soit des étudiants qui sont là pour repousser un temps, le moment où il faudra affronter le marché du travail. et donc pour repousser le moment de soit de travailler, soit de se confronter au chômage. Donc voilà, c'est cette idée-là hein, qui entoure régulièrement l'entrée à l'université, effectivement qui aussi est un discours qui est très fort et qui pénètre aussi les enseignants-chercheurs. Moi, je sais que, par exemple, jusqu'à récemment, j'avais en tête l'idée que quand j'accueillais un amphi de première année de sociaux, je commençais par me demander et par leur demander ce qu'ils faisaient là. Et au moment où je leur faisais remplir une petite fiche pour savoir quel était leur projet et pourquoi ils étaient là, et quand ils me disaient bah, « parce que j'aime bien la sociologie », j'essayais un peu de chercher, ça les énervait. Ils disaient « bah non, mais on aime bien, on est là parce qu'on a envie d'être là ». Et voilà, donc on voit que c'est des discours hein, qui sont relativement forts et qui pénètrent même chez les enseignants chercheurs. Donc par rapport à ça, eh bien, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que là aussi, hein, c'est encore une vision qui est extrêmement binaire de l'enseignement supérieur. C'est l'idée hein, que parce qu'on a des formations sélectives, ça veut dire qu'elles vont être électives, ça veut dire qu'elles vont être l'objet d'un choix. Quand on fait un dossier de candidature, quand on passe un concours, ça voudrait dire forcément eh bien, qu'on veut aller dans ces formations. Et à l'inverse, ça voudrait dire que eh bien, aller à l'université, comme ça ne demande pas de procéder à un dossier de candidature, comme il n'y a pas besoin de concours, eh bien, forcément, ce serait plutôt un second choix, une orientation plutôt par défaut. Or, là, on s'aperçoit, et les chiffres récents le montrent bien, les chiffres de l'OVE, on montre bien, dans une enquête qui est sortie très récemment, que l'université accueille majoritairement des premiers vœux, et que si on fait un classement en fait, de l'ensemble des filières de l'enseignement supérieur en termes de premiers vœux satisfaits, eh bien, l'université n'est pas du tout en bas. On va trouver en bas les sections de techniciens supérieurs, on va trouver les IUT, on va trouver également les écoles de commerce, je n'ai plus des autres en tête, mais voilà. En tout cas, on n'a pas un respect de ces catégories institutionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est extrêmement important quand on travaille effectivement sur l'enseignement supérieur, c'est de se départir de ces catégories et de ces intitulés, et bien voir que ce n'est pas parce qu'on est dans une filière sélective qu'on l'a choisie, et inversement, ce n'est pas parce qu'on est dans une filière non sélective qu'on ne l'a pas choisie. Autre élément aussi par rapport à ça, et qui découle hein, toujours de cette façon de déduire en fait des intitulés des formations, les pratiques des étudiants, c'est l'idée donc selon laquelle lorsqu'on rentre à l'université, on n'a pas de projet professionnel précis. Les étudiants viennent là parce que, alors, dixit mes collègues, ils ont vu de la lumière et ils sont rentrés à l'université. Eh bien non. C'est chauffé ici. Non, pas parce que c'est chauffé. En tout cas, à Nantes, comme il y a des fuites, au plafond de l'université, non, ils ne viennent sûrement pas pour ça, en tout cas. Mais voilà, on a ça en tête. Or, là aussi, hein, si on s'intéresse au projet professionnel des étudiants, on voit bien qu'avoir un projet professionnel, ce n'est pas du tout lié au fait soit d'être dans une filière sélective, soit d'être dans une filière professionnelle. Et c'est extrêmement intéressant de voir que les étudiants de l'université ont beaucoup plus souvent un projet professionnel précis que les étudiants, là encore, de section de techniciens supérieurs. Voilà. Donc ça, c'est intéressant également. Aussi dire que c'est un effet de stigmatisation hein, de l'université. On se demande rarement si les étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles ont un projet professionnel. En tout cas, on ne s'en alarme pas. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, et pour finir là-dessus, dire aussi que lorsque j'ai fait des entretiens avec les étudiants de section de techniciens supérieurs, je me souviens notamment d'une à qui j'ai demandé pourquoi elle n'avait pas eu envie d'aller à l'université. Elle me dit non, l'université, c'est pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard, donc j'ai fait un BTS assistant de manager. Voilà. Donc, on voit effectivement hein, que la professionnalisation, le fait d'être dans des filières extrêmement précises en termes d'intitulés de formation et qui semblent appeler un projet très clarifié, eh bien, ça ne fonctionne pas forcément. Et je passe la parole à Romuald pour les deux autres idées reçues. Alors, je vais m'appliquer à traiter de deux autres traits qu'a souligné Sophie, c'est-à-dire la question de l'insertion professionnelle des étudiants. C'est sans doute le point sur lequel je passerai le plus vite. Et pour m'arrêter peut-être un peu plus longuement sur la question de l'échec et de l'abandon dans les premiers cycles universitaires, avant de conclure rapidement, mais enfin, on pourrait conclure autrement, mais conclure rapidement sur un aspect plus positif, c'est-à-dire l'image de l'université dont on peut tirer de nos travaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on s'est pas contenté seulement avec Sophie de déconstruire des propos portés sur l'université, mais à partir de ces données, on a essayé de construire après coup ou reconstruire une image un peu plus juste de ce qu'est l'université aujourd'hui au sein de l'espace de l'enseignement supérieur. Alors la première question, c'est celle de l'insertion. Alors vous le savez, contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, c'est une question qui est très ancienne, puisque les trois traits qu'on a indiqués sont très anciens, on les trouve dès le tout début des années 60, et parce qu'on s'est arrêté à cette période-là, donc il est fort possible qu'on puisse le retrouver bien en amont encore. Donc l'idée, c'est l'idée selon laquelle les étudiants qui sortent diplômés de l'université ne trouveraient pas de travail, ou en tout cas en trouveraient moins que les diplômés d'autres filières de l'enseignement supérieur. Je précise simplement que je vais moins m'arrêter je vais moins utiliser la question des catégories qui viendraient biaiser le regard sur cette question de l'insertion, moins en tout cas que ce qu'a fait Sophie tout à l'heure sur la question de la sélection, ce qui est sélectif est nécessairement élitiste, et ce qui est sélectif est aussi c'est nécessairement désiré, qui est un peu ce qui s'impose à nous dans notre inconscient, en tout cas comme schème non conscient qui s'impose dans nos raisonnements. Là, sur si je voulais le faire très rapidement, je pourrais simplement dire qu'il y a un lien sans doute, plus ou moins implicite, entre l'idée de l'académisme universitaire et du coup du décalage entre ce monde fermé sur lui-même, ce monde du savoir pour le savoir, qui serait de fait, par nature, toujours décalé avec les réalités bien concrètes du monde du travail. Alors c'est une hypothèse plus que quelque chose qu'on a démontré, c'est simplement pour revenir sur la question des catégories qui viennent biaiser notre lecture de la réalité. En tout cas, en ce qui concerne la réalité de ce taux d'insertion, dire cela, ce qui nous surprend, enfin ce qui peut surprendre au premier abord, c'est que dire cela sans aller plus loin, c'est quand même aller à l'encontre de ce que l'on sait depuis maintenant très longtemps, ce que ont démontré de très nombreuses études sur cette question-là, c'est que plus le diplôme est élevé, et plus on est protégé du chômage. Il y a plein de travaux qui ont plusieurs sources de ce point de vue-là. Les diplômes du supérieur protègent mieux les diplômés du chômage que un simple baccalauréat. Un master protège mieux du chômage que un simple, par exemple, un diplôme un BTS. Et ainsi de suite. Alors évidemment, avec des variations non négligeables entre ces différents diplômes, hein, entre les masters évidemment, mais aussi bien évidemment entre les BTS. Tous les BTS n'ont pas le même pouvoir d'insertion, de capacité d'insérer les diplômés sur le marché du travail. Mais c'est une première chose qu'il faut souligner, parce qu'on peut être surpris de la récurrence de ces discours et du sentiment d'évidence avec lequel on le reproduit, alors même que sont très faciles d'accès toute une série d'études qui tendent à montrer, sinon le contraire, au moins à relativiser ce discours. Ensuite, quand on regarde de plus près quels sont ces taux d'insertion et qu'on essaie de les comparer, comparer ces taux d'insertion selon le type de diplôme, et notamment de comparer les diplômés de l'université aux diplômés d'autres filières de l'enseignement supérieur, on s'aperçoit que les choses, en fait, sont beaucoup plus compliquées qu'on imagine, notamment dans un premier temps parce que les taux sont finalement assez peu différents les uns des autres. Si on prend, alors même si toute étude peut poser des problèmes, en tout cas n'est pas parfaite, mais si on prend les travaux du CEREC, ce qui est ici le plus évident, parce que le CEREC est un des rares centres qui permet d'avoir des chiffres qui comparent des filières très différentes, parce qu'on a d'autres sources d'informations qui concernent généralement qu'un seul type ou qu'un seul sous-espace de l'enseignement supérieur, par exemple les grandes écoles, et encore souvent c'est seulement quelques grandes écoles, les taux d'insertion pour certaines écoles privées, les taux d'insertion pour les diplômes d'université, ce que le ministère par exemple produit, mais le CEREC permet lui de donner des taux d'insertion concernant des filières très différentes. Alors, cette parenthèse faite, je précise donc que le taux moyen de chômage 3 ans après l'accès au diplôme, selon donc l'enquête du CEREC de 2010, est de 11%. D'accord. Or, la quasi-totalité des diplômes, quels qu'ils soient, hein, STS, diplôme de grande école, diplôme de l'université, etc., le taux d'insertion ne varie que de 3% relativement à ce taux moyen. C'est-à-dire qu'en fait, on est soit 3% en dessous ou moins, soit 3% au-dessus ou moins. Donc vous voyez que la variation est quand même assez faible, d'autant que statistiquement, 3%, étant donné ce type d'étude, 3% ça ne signifie pas grand-chose. En tout cas, il est très difficile d'en tirer de vraies significations sur la capacité d'un diplôme à vous faire entrer sur le marché du travail. Quand j'ai dit que tous les diplômes varient, les taux de chômage après l'accès à un diplôme de l'enseignement supérieur varient 3% autour de 11% d'après cette étude, j'ai dit quasiment tous les diplômes. Parce qu'il y a deux exceptions à ce taux de chômage qui sont relativement proches les uns des autres. Il y a deux exceptions. Il y a une première exception qui vous étonnera le moins, ce sont les écoles d'ingénieurs qui ont un taux meilleur, puisqu'on observe, en tout cas a été mesuré, 5% de chômage 3 ans après l'accès au diplôme d'une école d'ingénieurs. Mais il y a bien meilleur encore. Et c'est le point sur lequel je voulais insister. Le meilleur taux, donc le plus faible taux de chômage après un diplôme du supérieur, ce sont les écoles du social et du paramédical qui bénéficient d'un taux de chômage de 1% 3 ans après l'accès au diplôme. Alors si j'insiste sur ce point, c'est parce que... Évidemment, il y a aussi tout un intérêt à ne pas trop regarder de près les chiffres, puisque quand on souligne le fait que l'université n'insère pas assez ou insère peu ses étudiants, il y a aussi l'idée que d'autres filières, notamment les filières les plus prestigieuses, à l'inverse, inversent très bien leurs étudiants. Relativement à ce que je viens de vous dire, vous devinez que si on devait vraiment retenir comme seul critère de valeur d'une formation le taux d'insertion professionnelle, évidemment les écoles du travail social et du paramédical deviendraient tout en haut du classement et surpasseraient largement même un grand nombre de grandes écoles. Par ailleurs, ce qu'on a essayé de souligner dans l'ouvrage, c'est que cette question est encore, la complexité de cette question est encore redoublée par le fait que ces taux d'insertion varient assez fortement parfois d'une période à l'autre, en tout cas disons d'une décennie à l'autre, cela pour des raisons assez précises, parce que en fait on s'aperçoit qu'il varie tout simplement avec l'état du marché du travail. Et c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps quand on parle du taux d'insertion, de la capacité d'insertion des diplômés, des diplômes du supérieur, c'est qu'on oublie que pour insérer un diplômé, il faut évidemment qu'il soit bien formé, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il est aussi nécessaire, au moins sinon plus, qu'il existe un secteur du marché du travail prêt à accueillir ces diplômés. Or, on s'aperçoit que, en fonction du taux chômage global dans tel secteur professionnel, le taux d'insertion, évidemment, des diplômés qui correspondent à ce secteur varie exactement de façon parallèle à ces taux d'insertion. Mais, là encore, et c'est là où on voit que les diplômes ne servent pas à rien, avec la même logique que ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire plus le diplôme est important, malgré tout, plus il va protéger de cette baisse de recrutement dans tel ou tel secteur. D'accord, c'est toujours les moins diplômés qui vont être les premiers touchés par la baisse de recrutement ou la montée du chômage dans tel ou tel secteur. Enfin, simplement pour conclure sur ce point, on s'aperçoit que la question de l'efficacité d'un diplôme pour insérer les étudiants sur le marché du travail ne respecte absolument pas la distinction qui est généralement faite dans le champ qui nous concerne entre les diplômes professionnalisants et les diplômes non professionnalisants. Parce que parmi les meilleurs taux d'insertion, on a toute une série de diplômes qui sont soit universitaires, soit liés à des grandes écoles, mais qui sont considérés comme non professionnalisants, au sens où les IUT, les STS, etc. sont des diplômes, ou les masters professionnels sont des diplômes professionnels ou professionnalisants. Alors, je vais passer au second point. Je vous ai dit que j'irai assez vite sur la question de l'insertion professionnelle. pour passer à la question des premiers chèques, des premiers cycles universitaires et de l'échec et de l'abandon en leur sein. Alors, je vous donne, ça aussi, c'est quelque chose qui a toujours été dit. Alors, c'est peut-être, il y a un double paradoxe de ce point de vue-là, parce qu'au-delà du décalage qu'il y a entre ce qui est dit et ce qui est réel, ce qu'on peut mesurer, il y a aussi un décalage entre le fait qu'on s'aperçoit d'un côté que c'est toujours dit, et en même temps, ça apparaît toujours comme nouveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une redécouverte de ce phénomène-là, avec un oubli des discours passés, qui donne ce sentiment d'urgence et de nouveauté concernant les échecs et l'abandon dans les premiers cycles universitaires. Alors, je vous donne d'abord les chiffres, hein, parce que c'est bien de rappeler que malgré tout, effectivement, si on s'arrête à la mesure statistique, il y a des taux extrêmement élevés d'abandon et d'échecs dans les premiers cycles universitaires. Alors, pour l'année 2010-2011, sur la France entière, après une première inscription en première année de licence, les résultats sont les suivants. 43,1% des étudiants passent en deuxième année, c'est-à-dire moins d'un sur deux. 25,4% redoublent, 31,5% abandonnent, ne se réinscrivent pas. D'accord ? Ne se réinscrivent pas dans la première année d'inscription de l'année 2010-2011. Alors, première chose, je disais que ce discours-là, il est sans cesse mobilisé et sans cesse présenté, ou en tout cas implicitement présenté, comme quelque chose de nouveau, qui serait particulièrement ou croissant, parce que parfois on rappelle que c'est pas tout à fait nouveau, mais quand même ça n'a jamais été aussi important, jamais été aussi grave. Alors on a essayé de vérifier cela en travaillant sur les archives statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur, on s'est aperçu que c'est absolument pas le cas. Pour le dire vite, hein, on avait déjà des doutes sur cette question parce que des historiens comme Antoine Pro avaient déjà donné des chiffres sans travailler sur la même question que nous, mais au hasard d'un article d'Antoine Pro, on s'était aperçu qu'il donnait des chiffres pour les années 60 concernant une université, l'université de Nice, je crois, et on avait déjà exactement les mêmes taux d'abandon après une première année à l'université. Donc on a simplement vérifié que ce constat était généralisable, non seulement sur le territoire national, toutes les universités donc, mais aussi qu'il était vrai pour toutes les années. Et c'est bien ce qu'on a constaté, c'est-à-dire que depuis les années 60, le taux, donc bien avant 68, hein, depuis le début des années 60, le taux d'abandon en premier cycle, c'est-à-dire, alors si je ne compte que les non-réinscriptions à l'université, parce qu'on peut aussi ne pas se réinscrire à l'université, d'ailleurs j'en parlerai tout à l'heure, mais ne pas se réinscrire dans son année à l'université, mais pour s'inscrire dans une autre filière de l'université, une autre première année à l'université. Donc si on ne prend que ceux qui ne se réinscrivent pas réellement à l'université, on est à peu près à 25%. Donc c'est ce taux-là, 25%, que l'on retrouve depuis le début des années 60, de façon quasi constante, à l'université, sur le territoire national, dans son entier. Voilà, donc de 25% d'abandon. Donc le phénomène, au moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est absolument pas nouveau, et qu'il est tout à fait constant. Une fois cela fait, on a essayé de replacer cette question-là dans le champ de l'enseignement supérieur, parce que ce que porte avec lui aussi ce discours sur l'échec et l'abandon des premiers cycles universitaires, c'est l'idée que ce phénomène-là serait spécifique à l'université, ce serait caractéristique de l'organisation de l'université, et donc symptomatique de son dysfonctionnement, ou de son mauvais fonctionnement pédagogique. Or, replacé dans l'espace de l'enseignement supérieur dans sa globalité, on s'aperçoit que ce n'est absolument pas spécifique, caractéristique de l'université. Alors, pour vous donner quelques chiffres, j'ai les chiffres de 2003 ici, sont peut-être un peu anciens, mais comme je viens de le souligner, ces chiffres sont très constants d'une année sur l'autre. Pour les STS, on a, après une première année donc, de STS, 10% à peu près d'abandon. C'est-à-dire 10% des étudiants qui sont inscrits en STS, alors pourtant filière extrêmement scolaire, hein, c'est-à-dire dans les lycées, très encadrés, etc. Donc le contraire de ce qu'on reproche à l'université de ne pas faire. Là, c'est plutôt le bon élève. Vous verrez qu'il y a encore de meilleurs élèves qui ont des taux encore plus étonnants. On a quand même 10% des étudiants qui ne se réinscrivent pas après une première année en STS. Dans les IUT, on atteint 15% de non-réinscription après une première année. Et là, on arrive aux filières les plus surprenantes, puisque le bon élève de l'enseignement supérieur, les classes préparatoires, présentent en réalité exactement le même taux d'abandon que les universités. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'année 2003, précisément, on a 22,2% de non-réinscription en première année après donc une première année de classe préparatoire pour 22,4% à l'université. Vous voyez, 0,2% de différence entre les classes préparatoires et les universités. Plus surprenant encore, il existe une autre catégorie. Alors, il faut l'étudier ou la mobiliser avec prudence parce que c'est une catégorie énorme qui regroupe des choses tout à fait diverses et incomparables. Mais cette grande catégorie statistique qu'on appelle école et autres formations bat tous les records de taux d'abandon. Donc c'est quand même la catégorie qui regroupe et les grandes écoles, et les moyennes écoles, et les petites écoles. À la fois donc les grandes écoles les plus connues, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture, les écoles du travail social, les écoles du paramédical, et bien cette catégorie-là présentait en 2003 37,2% de non-réinscription après une première année, c'est-à-dire qu'on est à près de 40% des étudiants qui se sont inscrits dans ces écoles qui ne se sont pas réinscrits l'année suivante. Donc s'il y a à s'inquiéter d'un taux de non-réinscription, c'est bien évidemment d'abord du côté des écoles qu'il faudrait regarder avant de regarder du côté de l'université, sachant que par ailleurs, même si on peut considérer que c'est un problème, parce que ce n'est pas parce qu'on est le plus problématique qu'on n'est pas pour autant confronté à une difficulté, il n'en reste pas moins que les classes préparatoires sont confrontées à exactement le même type de difficulté que nous. Mais alors le plus intéressant, une fois cela dit, donc c'est-à-dire une fois ce problème relativisé et replacé dans l'espace, dans son ensemble, ce qui change un peu évidemment la vision des choses, hein, quand on commence à voir que ce problème n'est pas ni nouveau ni spécifique à l'université, ça change un petit peu l'optique. Mais ce qui est sans doute encore plus intéressant, c'est d'essayer de regarder un peu plus précisément, mais qui sont ces étudiants ? Qui sont ces étudiants qui abandonnent et pourquoi abandonnent-ils, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils font après une non-réinscription. Alors là, on a produit nos propres chiffres. Enfin, pour le reste, je vous ai donné, c'est que je voulais vous donner des chiffres au niveau national, mais sur l'Université de Poitiers, puisque je travaille depuis plusieurs années maintenant sur ces questions d'abandon et d'échec, j'ai des données qui sont produites soit par l'université, soit par mes propres moyens sur ces questions-là, en tout cas dans l'Académie de Poitiers. Là, il se trouve que je vais m'intéresser à une enquête qu'on a réalisée sur l'Académie de Poitiers qui a consisté à essayer de retrouver les étudiants qui ne s'étaient pas réinscrits. C'était pour l'année 2007, donc en 2008, on a essayé de retrouver ces étudiants. Les résultats ont été assez surprenants. La première chose, c'est la diversité des situations et des raisons pour lesquelles ces étudiants ne se sont pas réinscrits. Ce qui, immédiatement, conduit à rejeter cette catégorie comme une catégorie, c'est-à-dire la catégorie d'abandon ou de décrocheur, par exemple, on utilise aussi beaucoup cette catégorie, de rejeter le caractère heuristique de cette catégorie. En réalité, il s'agit d'une sorte de concept valise qui regroupe des situations tout à fait incomparables et tout à fait différentes les unes des autres. Alors, je vous donne quelques exemples d'étudiants rencontrés de façon assez récurrente. Hein, je ne vous donne pas des cas exceptionnels. J'insiste sur des situations plutôt assez fréquentes. Alors, on a regroupé dans cette catégorie, on regroupe donc dans la catégorie abandon, l'arrêt d'un étudiant salarié pour des raisons économiques, c'est-à-dire l'arrêt d'un étudiant qui était par ailleurs salarié, qui pour des raisons purement financières et économiques se voit dans l'obligation d'augmenter par exemple son contrat, c'est-à-dire de passer d'un mi-temps à un trois-quarts temps, et qui du coup met fin à son inscription, au moins pour un temps, parce que souvent ces étudiants vont se réinscrire plus tard, à l'université. On met aussi dans cette catégorie la non-réinscription d'un étudiant en médecine après un échec au concours, l'arrêt d'un quinquagénaire en reprise d'études pour le plaisir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un nombre non négligeable d'étudiants à l'université qui sont des étudiants qui viennent s'inscrire à l'université pour essayer d'avoir accès, parfois d'ailleurs des étudiants assez diplômés déjà, hein, qui peuvent par exemple être diplômés, je ne sais pas, en sciences et vouloir suivre des cours de droit par plaisir ou curiosité. Et évidemment, au bout d'un certain temps, ces étudiants, qui parfois ne passent jamais les examens, hein, et même la plupart du temps ne passent jamais les examens, mais s'inscrivent malgré tout comme un étudiant ordinaire, et au moment de leur non-réinscription, entrent dans la catégorie abandon et augmentent le taux d'abandon. Autre cas souvent rencontré, les étudiants qui quittent l'université parce qu'ils ont obtenu un concours de la fonction publique. Et évidemment, en ce cas existe aussi des étudiants qui quitte l'université parce, pour des raisons de faiblesse scolaire, hein, qui effectivement se sentent incapables de poursuivre. Mais c'est qu'un cas parmi tous ces autres cas. Et un dernier cas sur lequel je vais insister maintenant, parce qu'il est aussi très très éclairant, et il était complètement ignoré à ma connaissance en tout cas, c'est le cas d'étudiants qui se servent des premiers cycles comme véritable classe préparatoire pour se préparer à l'entrée dans d'autres formations, d'autres filières. On a rencontré énormément de cas de cette forme-là. Alors j'ai évoqué d'ailleurs tout à l'heure les cas des étudiants qui préparent des concours. Il ne faut pas imaginer, en tout cas c'est pas ce que notre enquête montre, que ces étudiants préparent des concours parallèlement à l'université, qui serait une simple inscription pour être inscrit et avoir un statut quelque part. C'est des étudiants qui, dans la majorité des cas en tout cas, se servent du premier cycle pour préparer leur concours. Par exemple, un concours où il y aurait du droit, on s'inscrit en première année de droit pour essayer de travailler ses connaissances juridiques, ou si c'est un concours qui comporte des mathématiques, par exemple, on s'inscrit en sciences sans espérer obtenir le diplôme, mais simplement pour parfaire, par exemple, à des lacunes qu'on considère avoir en mathématiques. Mais les étudiants que j'ai le plus étudiés, parce qu'ils me concernaient plus directement, ce sont des étudiants s'inscrivent très souvent en sociologie, en psychologie, par exemple, pour préparer le concours d'entrée dans une école de travail social. Mais il y a le même cas, par exemple, en biologie pour les écoles paramédicales. Ce sont des étudiants qui entrent à l'université, non pas par défaut, mais très consciemment, et qui vont se servir du premier cycle, qui vont en quelque sorte détourner notre propre enseignement pour préparer un concours d'entrée dans une école, l'école de leur choix. Alors je rappelle que par exemple, c'est pour ça que j'insiste sur les écoles du travail social, parce qu'elles sont de ce point de vue-là emblématiques, puisque pour les écoles du travail social, contrairement à d'autres écoles, il n'y a pas de classe préparatoire, en tout cas pas de classe préparatoire qui sont gratuites, pardon. Il existe des formations, des préparations privées et qui coûtent bien trop cher pour beaucoup de ces étudiants qui veulent entrer dans les écoles du travail social. Donc dans ce cadre-là, dans cette mesure-là, on voit qu'une part très importante de ces étudiants qui entrent dans la catégorie abandon sont en réalité des étudiants qui, si l'on veut, dira-t-on, détournent l'enseignement en premier cycle, mais qui en même temps le détournent au profit d'une orientation ou d'un projet de formation qui semble tout à fait légitime. Et il me semble que du point de vue universitaire, il est aussi tout à fait légitime, et plutôt que de s'en plaindre, on devrait s'enorgueillir de jouer ce rôle aussi via les premiers cycles de classe préparatoire à certaines formations du supérieur. Par ailleurs, on a essayé, alors c'est simplement pour quantifier un petit peu, mais on a essayé de vérifier voir ce qu'il restait une fois qu'on calculait le taux d'abandon réel si on enlevait tous ces étudiants-là qui étaient donc soit en reprise d'études pour le plaisir et qui sont déjà parfois soit c'est des personnes qui sont en retraite, soit c'est des personnes moins âgées qui font ça parallèlement à l'emploi. Si on enlevait donc tous ces étudiants-là, tous les étudiants qui ont obtenu un concours, tous les étudiants qui sont donc réorientés vers une autre filière, etc., et qu'on ne gardait que les étudiants qui effectivement se retrouvent, ce qu'on imagine quand on parle de décrocheurs d'abandon, sans rien, c'est-à-dire sans emploi, sans diplôme, à la suite donc de leur non-réinscription. Eh bien alors, les chiffres que nous avons pour l'Académie de Poitiers sont les suivants. Alors parmi 100% d'étudiants qui ne s'est pas inscrit, 62% sont encore en formation en fait, soit ils ont obtenu un concours, soit ils se sont simplement réorientés vers une autre filière, quand c'est des filières non sélectives, par exemple dans une autre université ou une autre filière de l'université. 27% sont en emploi, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, alors évidemment pas tous dans des emplois idéaux et auxquels ils espéraient depuis longtemps, mais un certain nombre, oui, malgré tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas rencontré que des gens qui étaient en temps partiel et en CDD, on a aussi rencontré des gens qui avaient des emplois en CDI et qui leur convenaient parfaitement de ce point de vue-là. Eh bien, si on enlève donc ces 62 et ces 27%, il reste 11% effectivement d'étudiants qui se sont en quelque sorte perdus et n'ont ni emploi ni formation. Mais si vous rapportez ça à l'ensemble des étudiants, des néo-bacheliers inscrits en première année à l'université, on tombe à 3,5%. Vous voyez comment on passe de 25% à 3,5%. Alors évidemment, là, c'est une refonte qui a elle-même ses limites du calcul. Mais malgré tout, ça change un petit peu les choses de le voir comme cela. Alors, je vous disais que pour conclure, j'allais essayer de moins de déconstruire que de construire à nouveau. ce qu'on a pu observer, par exemple, relativement à ces échecs, à ces abandons, c'est que si on voulait plutôt utiliser un autre terme, puisque cette catégorie n'a finalement aucun sens réel, les abandons se cachent dans un phénomène qui, concrètement, est un phénomène de non-réinscription. Et cette non-réinscription, elle cache quoi ? Elle cache, en fait, l'importance des circulations entre filières au sein de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que ce qu'on a observé avec Sophie au terme de ce travail, c'est un espace de l'enseignement supérieur au sein duquel les étudiants circulent énormément d'une filière à l'autre, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au sein de l'université, les étudiants basculent d'une filière à l'autre ou d'une discipline à l'autre. Par exemple, on commence en histoire pour terminer, en géographie ou en sociologie. Inversement, on peut commencer en sociologie pour finir en histoire, et parfois avec des parcours qui, certes, ne sont pas parfaitement linéaires et ne se réduisent pas à obtenir son master 2 en 5 ans, et qui mettent souvent un peu plus longtemps, mais ce sont des parcours d'étudiants qui ne sont, malgré tout, qui peuvent paraître brillants à la fin, puisqu'on obtient des étudiants avec des masters avec de très bons résultats à la fin, voire des doctorants brillants par la suite, et plus surprenant encore, des étudiants qui... une université qui redistribue ses étudiants vers l'extérieur, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à partir du premier cycle vers les écoles et les STS et les IUT, hein, si tant est, je sais que les IUT sont rattachés à l'université, mais là, de fait, on parle des licences relativement aux autres filières. Donc, elle redistribue ses écoles et ses filières. Vous avez compris que notre travail semble montrer, c'est que sans doute que ces étudiants n'auraient jamais eu accès, en tout cas, aux écoles sans passer par l'université. Mais plus surprenant encore, c'est qu'on sait que ce n'est pas seulement les filières les moins valorisées qui sont nourries, alimentées par l'université, c'est aussi les plus valorisées, puisque les grandes écoles, pour 20% des étudiants qui rentrent dans les grandes écoles, viennent en réalité de l'université. Inversement, donc, l'université est elle-même nourrie par ses filières. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants en classe préparatoire, en fait, vont faire l'université par la suite. Qui, quand on parle des étudiants qui sont moins bons, de niveau de plus en plus faible, on oublie qu'à l'université, une très grande partie des étudiants qui viennent des classes préparatoires, finalement, vont aller ensuite à l'université. C'est 75% des étudiants en classe préparatoire littéraire, 20%, voire même un peu plus, entre 20 et 25% des étudiants en classe préparatoire économique ou commerce, et je crois que je ne me trompe pas en disant que c'est 15% des classes préparatoires scientifiques qui sont celles qui redistribuent le moins vers l'université, mais qui le font malgré tout. Et ensuite, l'université est aussi un moyen de prolongement de formation, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'un grand nombre d'étudiants qui sont passés par des écoles, et notamment par les grandes écoles, s'inscrivent par la suite à l'université, soit pour se spécialiser, comme le font par exemple des étudiants en école d'ingénieur, qui vont s'inscrire dans un master de sciences très spécifique, dans un domaine très spécifique, pour parfaire leur CV, ou bien simplement pour prolonger au sens strict du terme, c'est-à-dire pour faire un doctorat à la suite de leur formation. Ça ne concerne pas que les écoles d'ingénieurs, ça concerne beaucoup d'écoles et de grandes écoles. Voilà, donc si il faut conclure de ce point de vue-là, c'est l'idée selon laquelle, finalement, la plupart des erreurs d'interprétation liées à l'université sont liées à notre vision complètement fixiste et tubulaire de l'enseignement supérieur, où les choses se développeraient les unes en parallèle aux autres, sans que de circulation ne se réalise entre elles. Au contraire, ce qu'on a observé, c'est une circulation continue et un rôle très spécifique de l'université en son sein, car l'université tient une position totalement intermédiaire dans les hiérarchies des filières. Elle est une position intermédiaire puisqu'en dessous de l'université se trouvent les STS, les écoles du travail social, les écoles du paramédical, les IUT, et au-dessus, évidemment, les classes préparatoires, les grandes écoles. Hein, j'y reviendrai si vous voulez, il y a plein de critères qui permettent de mesurer cette hiérarchie, mais de cette place intermédiaire, elle permet la circulation des étudiants, et c'est ce qui est la force de l'aspect non sélectif de l'université, c'est que ça facilite et ça permet cette circulation dans tous les sens. Et ce qu'on peut dire pour conclure en une phrase, c'est que ce que la fonction, si tant est qu'on puisse parler de fonction de l'université au sein de l'enseignement supérieur, apparaît au terme de notre travail, nous semble-t-il, comme un espace de circulation, d'ajustement et de réajustement des parcours, bref, de régulation, et d'une régulation qui a un rôle central et en quelque sorte en tenant une position pivot au sein de l'organisation du système d'enseignement supérieur, à tel point qu'on pourrait presque faire l'hypothèse, et je conclue vraiment sur ce point, on pourrait presque faire l'hypothèse que le système d'enseignement supérieur assez spécifique en France, avec une université qui est elle-même entourée d'autres filières du supérieur, que ce soit les grandes écoles ou les plus petites écoles, ce système-là, des grandes écoles et des petites écoles, ne fonctionnerait pas ou aurait bien du mal à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui sans l'université, qui est finalement le pivot sur lequel s'appuie tout ce système de l'enseignement supérieur. Voilà, j'arrête sur ce point. Merci.